Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française, dont voici les principaux titres. Commémoration ce vendredi du 23e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Son compagnon, Léon Senghina Koumana, plaide pour la traduction en justice des bourreaux du premier président élu démocratiquement. Et une personne a été tuée, une autre blessée dans une attaque de ce jeudi soir à la colline Gahinda de la commune Burambi. Les auteurs de ce forfait sont toujours inconnus et un projet de loi portant élevage en stabilisation permanente au Burundi sera bientôt sur la table de la Chambre basse du Parlement pour analyse. C'est le ministre burundais de l'Agriculture et de l'Élevage qui annonce cela. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais en titre, commémoration ce vendredi du 23e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. L'unité, le respect mutuel entre Burundais, la justice est pour tous et le respect des droits de l'homme sont entre autres les valeurs et libertés qu'il chérissait beaucoup, comme on peut l'apprendre de son discours à l'occasion de son investiture. On l'écoute. Burundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza gateka kazina muntu. Le Burundi nouveau va être caractérisé par le respect des droits de l'homme dans tous les domaines et pour tous. L'intimidation, la torture, l'exécution extrajudiciaire, la détention arbitraire ou illégale, la discrimination, tout ce qui caractérise le régime dictatorial sera banni dans cette législature. Notre pouvoir sera caractérisé par une véritable unité entre les Burundais, car l'unité a été depuis longtemps entravée par une politique d'injustice, d'exclusion et de non-respect mutuel. Nous allons nous atteler à corriger cette pratique en mettant en avant la justice pour tous, en passant par le partage équitable des richesses du pays entre toutes les composantes ethniques et en mettant en avant la justice pour tous, pour qu'il n'y ait pas de personnes qui, en s'appuyant sur leurs richesses, discriminent les pauvres. Prochainement, nous allons organiser un dialogue au niveau des communes, des collines, des quartiers et des camps militaires. Ce dialogue sera centré sur le nouveau comportement qui doit caractériser les Burundais dans la nouvelle politique. Ce comportement et cette politique sont les suivants. Le respect des droits de l'homme, la défense et la sauvegarde de la paix, le respect mutuel, la tolérance, la justice pour tous, le bannissement de tout ce qui divise les gens, l'intolérance ethnique, clanique, religieuse et autres. Cette politique et ce comportement devront être enseignés de l'école primaire jusqu'à l'université. Feu président Melchior Ndadaye, traduit en français par Alain Désiré Wukeyeneza. Le parti Sawanya Fodéou demande que justice soit faite à l'endroit des planificateurs de l'assassinat du président Ndadaye et ses proches collaborateurs, car ce dossier est pendant depuis plus de 20 ans dans les tiroirs de la Cour suprême. Le vice-président de ce parti, Léon Senghina Koumana, explique que ce dossier ne devrait pas être traité en cours de la période de crise qu'a connue le pays après l'assassinat de Feu Ndadaye, mais qu'aujourd'hui, la justice ne devrait pas faire sourde oreille à ce sujet. Suivez plutôt Léon Senghina Koumana. À propos du renversement des institutions démocratiquement élues, où il a péri aussi, au niveau de la famille politique et au niveau de la famille Dossin, nous avons déposé des plaintes auprès des juridictions nationales. Deux ou trois problèmes se sont posés. Le premier problème, c'est que le renversement des institutions et son assassinat se sont accompagnés par une crise interne, une insécurité généralisée presque dans tout le pays. La priorité a été de rétablir l'ordre dans le pays, a été de rétablir la sécurité dans le pays. Alors, le deuxième facteur qui a empêché à ce que le jugement de ce dossier ait lieu, c'est parce que dans les institutions de l'État, au sein du gouvernement, au sein du Parlement, au sein de l'administration, au sein de la justice, il y avait la présence de ceux-là même qui ont planifié son assassinat, de ceux-là même qui ont exécuté son assassinat. Il y avait des responsabilités. Alors, dans l'insécurité et dans ces institutions composées de cette manière, il était très difficile de résoudre cette question. Le dossier est actuellement à la Cour suprême, mais c'est étonnant parce qu'aucun dossier ne peut passer plus de 20 ans à la Cour suprême. Mais il est là depuis bientôt 20 ans. On avait espéré à ce que l'avenir d'un pouvoir élu comme le pouvoir CNDD-FDD en 2005, que la question allait être résolue. Parce que quand vous êtes un pouvoir élu, vous avez des pouvoirs étendus, même au niveau de la justice. Mais chose surprenante, nous nous sommes rendus compte, nous avons constaté plutôt que le pouvoir CNDD-FDD a tenté de mettre ce dossier dans ce qu'il appelle les commissions vérité et réconciliation. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer à nous battre, à combattre pour que ce jugement ait lieu, parce que tous les éléments indispensables au jugement de ce dossier sont à la Cour suprême avec dans ce dossier. Les auteurs, les planificateurs, les exécutants, ils sont là, ils sont connus. Point n'est besoin d'aller embêter la population pour lui demander ce qui s'est passé en ce qui concerne le renversement des institutions de 93 et l'assassinat du président Mekiro Ndadaye. Léon Sengedakoumana, il est vice-président du parti Sahwanya Frodebo. Ce n'est pas la volonté qui a manqué pour faire le procès de Melchior Ndadaye, explique le porte-parole et secrétaire général du gouvernement en cette 23e anniversaire de l'assassinat du premier président démocratiquement élu. Philippe Nzobonaliba tranquillise que ce procès pourra être clôturé un jour. On l'écoute. Bon, ce qui a manqué principalement, ce n'est pas la volonté de faire avancer le dossier, c'est plutôt les circonstances, la situation d'instabilité dans laquelle le pays a été plongé depuis la mort de Ndadaye. Vous savez que le pseudo-procès qui a été initié par les premiers juges n'est même pas parvenu à identifier les assassins alors que le président Ndadaye a été assassiné en pleine journée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'abord cette faiblesse de la justice d'hier, cette justice d'aujourd'hui qui est l'héritage des accords d'Arusha, qui maintenant doit s'atteler pour que tout procès et tout dossier se passe dans la transparence et surtout avec le maximum, disons, de crédibilité de part et d'autre. Alors, si le dossier se trouve à l'instance d'appel, mais qui n'a pas encore été réveillé, c'est parce que maintenant nous sommes confrontés, comme je le disais tout à l'heure, à beaucoup de défis d'instabilité auxquels on est confrontés. Et vous savez qu'il y a beaucoup de dossiers et que je dirais qui sont prioritaires. Il s'agit notamment, il y a le dossier commission vérité et réconciliation, qui est pour le moment, cette commission est à pied d'œuvre. Et vous savez que progressivement, les assassins, les responsables, tous ceux qui sont responsables des instabilités avec qui nous avons traversé, ils seront bientôt mis à jour. Et je pense que ce dossier aussi trouvera une occasion pour que, enfin, ça soit clôturé une fois pour toutes. Philippe Nzobonaliba, il est porte-parole du gouvernement du Burundi. L'association des veuves et orphelins pour la défense de leurs droits à vote demande que les victimes des crises qui ont endeuillé le Burundi soient mises au centre du processus des travaux de la commission Vérité et Réconciliation. Au nom de la vaude, Jacqueline Kalibrami interpelle les victimes à vaincre la peur pour témoigner pour que la vérité éclate enfin au grand jour. On l'écoute. La commémoration de l'assassinat du premier président démocratiquement élu et ses proches collaborateurs coïncide avec une étape importante des travaux de la commission Vérité et Réconciliation Sévère, une étape de déposition et d'identification des victimes des différentes tragédies qui ont endeuillé le Burundi depuis son accession à l'indépendance. La Vaude, toujours soucieuse de savoir la vérité autour du génocide, des tueries et assassinats répétitifs d'innocentes victimes de l'intolérance et politico-ethnique, demande que ces victimes soient mises au centre du processus des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation. La VOD interpelle donc les victimes des différentes crises de bien collaborer avec la CVR et de vaincre la peur pour témoigner afin que la vérité éclate au grand jour. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. En page de sécurité, une personne tuée, une autre blessée, tel est le bilan d'une attaque d'hommes armés non encore identifiée perpétrée contre un bistrot de la colline Gahinda. Nous sommes en commune Egurambi de la province Rumonge. C'était la nuit dernière. C'est la cinquième personne tuée en province Rumonge dans une période n'excédant pas 10 jours. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Des informations recueillies auprès des habitants de Gassassa sur la colline Gahinda, confirmée par le commissariat de police à Rumonge, indique que Nijimbele Proté, habitant cette même colline, est tombé sous les balles lui tirées par des inconnus alors qu'il partageait un verre avec le chef de colline dans un bistrot de la place vers 19h30 de ce jeudi. Légèrement blessé, ce chef collinaire a pu se sauver, indique au Pessin Indonésien Manila Kiza, commissaire provincial de police à Rumonge, qui ajoute que des enquêtes ont déjà commencé pour identifier les auteurs et les mobiles derrière ce meurtre. C'est la cinquième personne tuée en province de Rumonge dans une période ne dépassant pas 10 jours. Après 3 autres tués à Rutemi et une autre tuée décapitée à Chashi, en commune Bugarama. Malgré cet état de fait, le commissaire provincial de police à Rumonge dit que ces hommes veillent sur la sécurité dans cette jeune province, les quelques cas isolés étant surtout des règlements de compte. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Le corps en décomposition dans certains Negamiye Nestor de la commune Mugamba a été retrouvé ce mercredi 19 octobre courant. Il avait disparu le dimanche 2 octobre. Sa famille indique qu'il n'a pas été emprisonné avant d'être tué, comme le dit une certaine opinion. Elle se dit plutôt prête à collaborer avec les organes habilités pour connaître la vérité, suivait un des membres de sa famille. Mardi le 18 octobre, quelqu'un a vu un endroit qui était suspect. Alors il a alerté la population et ils ont constaté que c'était le cadavre de Negamiye Nestor. On l'a déterré le 19 et enterré dignement. Alors, qu'est-ce qu'il se dit autour de lui? On dit que les présumés assassins répandent beaucoup de bruit comme quoi Negamiye Nestor aurait été tué lundi le 17 et qu'on aurait retrouvé le cadavre mardi le 18. Il voulait mettre la mort de Negamiye Nestor au dos de la police. Cela est faux. Negamiye Nestor a été tué le 2 parce que son corps a été retrouvé méconnaissable. Ceux qui l'ont tué veulent aussi faire passer l'idée comme quoi il aurait été arrêté par la police. Cela est archi faux. Au niveau de la famille, nous disons que aucun service de l'État du Burundi n'a participé dans l'assassinat de Negamiye Nestor. Sur la page justice, la corruption et le trafic d'influence sont les charges de la Cour anticorruption contre 3 individus, dont Maître Alexis Nkurunziza du barreau de Gitega. Dans une audience publique de l'après-midi de ce jeudi, les accusés ont rejeté les charges. L'audience a duré près de 4 heures. Elle continue dans l'après-midi de ce vendredi. Mireille Kanyange a suivi ce procès. Cette audience publique a débuté à 14h30 de ce jeudi, soit avec 1h30 de retard. Dans son procès de flagrance, l'officier du ministère public a chargé 3 individus, à savoir Maître Alexis Nkurunziza du barreau de Gitega, Nahorahiriwe Proté du tribunal du travail, ainsi que Kayonde David, juge au tribunal de résidence d'Ugahombo en province Kayanza. Ils sont tous accusés de corruption et de trafic d'influence. Le ministère public a indiqué qu'entre le 8 et le 14 courant, les 3 co-accusés ont planifié un changement de charge contre un certain Nizigiman Elvis, déjà emprisonné à Mimba et impliqué dans un dossier de vol de 20 tonnes de café à la Sogestal Kayanza. Le dossier de flagrance concerne, a précisé le ministère public, ailleurs une somme de 2 millions de francs burundais saisis dans la cellule de ce détenu. Assistés par leurs avocats, les trois co-accusés ont tous rejeté toutes les charges. Cette audience publique a duré près de 4 heures et il a été reporté dans l'après-midi de ce vendredi dans la même cour anticorruption. Merci à Mireille Kanyangé. Toujours en page de justice, les 5 militaires, parmi lesquels 2 officiers et 3 sous-officiers, retenus au cachot de la police militaire et puis transférés au cachot du Service national de renseignement à Bujumbura, sont les nouveaux locataires de la prison centrale de Rumonge, dite Kumurembwe, et cela depuis le soir de ce jeudi. Le PC Donatien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge, confirme ce transfert, mais sans aucun autre commentaire. Un projet de loi portant élevage en stabilisation permanente au Burundi sera bientôt sur la table de la Chambre basse du Parlement pour l'analyse. Le ministre burundais de l'Agriculture et l'Élevage a indiqué que la valeur ajoutée, une fois ce projet sera adopté, viendra résoudre le problème de divagation des animaux, mais aussi la lutte contre les effets du changement climatique. Déogui de Lourema, il est ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Ce projet de loi qui concerne l'élevage en stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux. Nous savons que l'élevage au Burundi est un élevage traditionnel qui est caractérisé par la divagation sur les collines ou dans les marais des animaux. Cela a des conséquences d'abord sur la perte de la fumée organique qui devrait être collectée au niveau des compostières. Comme ça, l'utilisation combinée de la fertilisation organique et la fertilisation chimique porte sur l'amélioration de la production agricole. Mais aussi, quand les animaux sont en train de divaguer sur des collines ou dans les marais, on observe une transmission des maladies. Et il est très difficile à nos cadres vétérinaires ou ceux qui sont en charge d'encadrer la population en matière de l'élevage, il est très difficile de bien les encadrer et de lutter efficacement contre ces maladies. Mais aussi, nous avons remarqué que la divagation des animaux a des conséquences sur les infrastructures d'aménagement qui sont installées au niveau des marais qui sont aménagés, alors que ces marais constituent un atout très important pour la production, que ce soit pendant la saison sèche ou à contre-saison, car l'irrigation facilite l'amélioration de la production. Mais quand ces animaux sont en train de divaguer, ils détruisent toutes ces infrastructures et ça compromet la production agricole. Alors, la valeur ajoutée de ce projet de loi, une fois adopté, ça viendra résoudre ces problèmes. Et ainsi, nous serons en train de contribuer aussi à la lutte contre les effets du changement climatique et à l'amélioration de la production au niveau de la population. Propos recueillis par Médard Niyonkuru. Certains défis entre la femme rurale et constituent un obstacle à son développement économique et social en province de Mwaro. Parmi ces défis figurent le faible accès aux ressources dans les ménages et le faible niveau d'instruction, le fait d'entrer dans des associations et la promotion de l'éducation pourrait corriger cette situation. N'est-ce pas Laurent Dikourio? Parmi les défis qui hantent le développement économique et social de la femme rurale en province Mwaro, il y a la culture et les pratiques qui empêchent la femme de se développer. Selon certains membres des associations féminines de cette province, dans la plupart des ménages, c'est la femme qui produit, mais elle n'est pas la première à prendre la décision concernant la récolte, une place qui revient souvent à son mari. Un autre défi concerne le faible accès aux ressources pour les femmes rurales. Aussi, la femme rurale n'a pas facilement d'institutions financières pouvant lui donner des microcrédits. La démographie galopante, suite à de nombreuses naissances, empêche également le développement économique et social de la femme rurale dans cette province. Comme le soulignent les membres des associations féminines dans cette province, car cela entraîne l'exiguïté des terres cultivables. Un autre blocage concerne l'analphabétisme pour la majorité des femmes rurales. Cela est un handicap pour la consultation de certains livrets. Parmi les solutions à ces défis, les membres des associations féminines en province Mwaro proposent la sensibilisation à l'égard des femmes pour qu'elles adhèrent à différentes associations, ainsi qu'une collaboration dans la prise de décision concernant la richesse familiale. La diversification des différentes activités accomplies car la femme rurale pourrait lui être bénéfique. La limitation des naissances est un autre facteur pouvant entraîner le développement économique et social de la femme rurale. Signalons que cela ressort d'une séance débat organisée ce jeudi par le réseau des femmes actrices de paix et de dialogue à l'endroit des femmes membres des associations féminines, les femmes leaders politiques et religieux, et ainsi que les chefs de services provinciaux de la province Moaro. De Moaro, Laurent Dikuyu, Radio Isanganiro. Merci à Laurent. Des bandes d'escrocs opérant souvent à mairie de Bujumbura continuent à voler la population. Ils proposent des récompenses à leurs victimes pour les attirer dans leurs pièges. Cela est dit par le porte-parole adjoint de la police nationale, Moïse Nkuruziza, qui interpelle la population à doubler de vigilance afin de traquer ces malfaiteurs et les traîner devant la justice. Pour plus de détails, Christian Savier. Le phénomène d'escroquerie se multiplie en ces jours avec différentes pratiques utilisées par ces escrocs. À l'exemple de cette femme qui raconte comment elle a failli tomber dans le piège tendu par eux. Moi, j'ai croisé deux hommes dans la rue. Un d'eux m'a demandé de l'aider à retirer une somme d'un million de francs au siège de la MISOM en me proposant une récompense de 30 000 francs. Ce que j'ai tout de suite accepté sans hésiter. C'est alors que l'autre homme a gardé mon sac à main, puisque d'après eux, il est interdit d'entrer dans ses bureaux avec ses affaires. Tout d'un coup, une femme qui avait remarqué les mouvements bizarres de ces escrocs m'a averti du danger qui me guettait et j'ai tout de suite vu que ces escrocs prenaient le large. J'ai couru en demandant de l'aide aux passants et un de ces escrocs a été tout de suite attrapé et arrêté. Le porte-parole adjoint de la police confirme ce phénomène en donnant encore plus d'exemples enregistrés. Souvent, la police interpelle la population à doubler de vigilance. Il y a pas mal de cas déjà portés au niveau de la police judiciaire. Ici, on peut citer à titre illustratif les escrocs qui disent qu'ils possèdent des pierres précieuses. Et d'autres envoient des messages téléphoniques, comme c'est souvent le cas pour la maison de téléphonie mobile Léo, et pour vous annoncer que vous avez gagné quelque chose, mais en réalité, après, ils vous demandent des unités. Et d'autres disent qu'ils sont décideurs dans le recrutement des ONG, tant nationales qu'internationales, ou dans celui des institutions para-étatiques, tout en disant qu'ils sont membres du parti influent. D'autres disent qu'ils ont été délégués par telle ou telle autre organisation dans le cadre des aides à accorder à la population vulnérable ou autres ONG locales. Ce qu'on conseillerait aux éventuelles victimes, c'est d'abord de dénoncer ces criminels atteints. Il y a plus de chances de retrouver donc, les biens volés. Mais lorsqu'il passe 2, 3 ou 4 jours et que le criminel soit arrêté en pétard, les chances sont au minimum. Le juge alors va condamner pécuniairement ce qu'on appelle la réparation civile. Alors, la victime alors aura droit à réclamer auprès des juges ce qui a été volé, mais également des dommages et intérêts. Sachez que souvent ces escrocs opèrent en groupe et qu'ils proposent à leur proie des gains pour les attirer dans leur piège. Merci à Christian Savier, c'est sur cet élément que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.